Exercice 12, page 69. J'aime bien ce moment. J'ai l'impression de dominer la situation. Un peu comme un capitaine sur son bateau. Tout est tranquille. Je peux écrire.